Après 8 mois et des poussières à l'étroit dans le ventre de notre mère, le 16-07-75 à la Boisière, le premier à sortir, c'est moi, premier à le prendre l'air, Théma, dans le décolleté de l'infirmière. Mon pépère, j'ai pris tout mon temps, je voulais encore rester au chaud dedans. Laisse-moi commencer ce morceau par remerciement. Car deux jumeaux, c'est deux fois plus de boulot. Maintenant je suis grand, je comprends. Grandir à McDo, c'est pas évident, c'est pas toujours marrant, c'est dur souvent. On a voulu nous séparer, on est resté saoulés comme deux aimants. Dans les cours de récré, les squares ou les rues du quartier, tout le monde savait qu'il fallait se méfier du double impact. Pour les concepts de ouf de boom qui étaient toujours d'actes négro à tête grainée, trop souvent par les grands grainés, à se traîner, à se donner en spectacle. Aujourd'hui on fait du rap et on leur laisse la bac. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Quand je vois mon reflet, j'ai l'impression de voir le reflet de ma personne dans un miroir. Tu peux pas savoir comment ça fait bizarre de voir qu'on porte les mêmes sapes, qu'on a les mêmes squats, qu'on fourre les mêmes rats. Elle capte ou pas, on s'en bat. Ma main et un font deux, évite les plans foireux, les faux nerveux. Tu sais ce qu'on veut, finir nos vieux jours heureux. Sache qu'on n'a jamais trahi, Hassan Hussein ce n'est pas Arnold et Willy, ou Ricky la belle vie, mais plutôt Huckleberry, version négro à Paris. Avec deux fois plus d'appétit, deux fois plus vite, la vie nous a appris que tout avait un prix. Alors en qui j'ai confiance, lui, sur qui je peux compter, lui. Les yeux fermés, je confierai ma vie. Certains nous envient et d'autres se méfient. Certes, la vie n'est pas parfaite, mais pour ce cadeau, je vous remercie là-haut. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Souvent on s'embrouille, on se prend la tête, mais c'est comme ça. On boit la même canette, fume le même pet, oui c'est comme ça. Qu'on fait la trêve, y'a rien à faire, car lui c'est moi et moi c'est lui. On est jumeaux pour la vie, c'est mon meilleur ami. Quand je suis loin de lui, ça me fout le cafard. Le savoir au placard, j'en fais des cauchemars, tu peux pas savoir. Même le peu qu'on avait, on l'a toujours partagé. La misère, on connaît, ça on l'a juré. Personne ne pourra s'émisser dans notre complicité. Je vais pas te mentir, y'a eu des bons et des mauvais côtés. On a gardé les bons et mis le reste de côté. C'est gros, c'est la deuxième partie de mon cerveau, les yeux que j'ai dans le dos. Et si pour toi ce n'est qu'un salaud, sache que pour moi c'est beaucoup plus qu'un frérot. Certains se foutront de notre gueule, inséparable à la Hegel et Jekyll. Tu vois le topo, c'est toujours mieux qu'être l'enfant seul. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux pour la vie. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Il est moi, je suis lui, car lui c'est moi. Et moi c'est lui, on est jumeaux dans l'esprit. Pourquoi sinon qui le fasse? Chaud la main.